Never meant for a woman's heart, but still you rise through it muito prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Eu vim de longe só pra te dizer. Cor. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Though it took some time.

c'est cool, non, mais si coûteux que l'argent est à couper au couteau et ça taf pour dépenser d'arrache-pied, ça pour que ça marche. Cracher, cracher du cash et se saigner jusqu'à être balafré. C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi pendant des années, sans bourreau, qui me renie par rapport au succès. Tu sais bien, la vie c'est pas la peine d'en faire un fromage de mon dos, si tu qui barre dans les pieds. Car j'ai rien de ces cas, je me casse en ce captain de ces quatre. Allez vous faire foutre, j'ai un match de foot. Allez vous faire. Allez tous vous faire huer, marcher dans les rues, allez tous vous faire juger, passer sur le billard, allez tous vous faire tuner, signer sur les contrats, allez tous vous faire plumer. J'allume la télé pour cracher sur des connards que je déteste. J'ai 300 chaînes, pense à la quantité d'insultes que je déverse. On dit que je fais preuve de gentillesse, je fais vraiment preuve de faiblesse. Faudrait leur faire payer leur dette avant que je meure de vieillesse. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si sûr. C'est vrai qu'on est un petit peu des deux. Allez vous faire oui les yeux. Longtemps et puis rester dans le jeu. Marche. Something I can be, something I Mission accomplie. Bravo.